Je suis sur une autoroute et la circulation ne va se faire que sur une voie pendant un certain temps. Pour cette raison, la vitesse est réduite à 90 km/h maximum. Stabiliser la vitesse à 90 km/h dans une zone perturbée par des travaux ou un accident est impensable. Je vais forcément devoir faire face à des ralentissements répétés liés aux ouvriers, aux engins ou aux secours. Inutile dans ces conditions de régler le régulateur de vitesse sur 90. Éventuellement, le limiteur pour être sûr de ne pas faire d'excès de vitesse. Réponse B.